السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 37 و38 عن علي بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Ibn Udir rahimahullah, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui a dit: Allah a certes écrit les bonnes actions et les mauvaises. Puis il a détaillé cela: quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action, puis ne l'accomplit pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. Et s'il a l'intention de l'accomplir, puis il accomplit, Allah lui inscrit auprès de lui 10 bonnes actions jusqu'à 700, jusqu'à beaucoup plus. Et s'il a l'intention d'accomplir une mauvaise action, puis ne l'accomplit pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. Et s'il a l'intention de l'accomplir, puis il accomplit, Allah lui inscrit une seule mauvaise action. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith contient plusieurs fawaïd. Parmi cela, l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son bienfait sur ses serviteurs, sur ses créatures. Cela par le fait qu'il leur accorde des récompenses immenses pour leurs bonnes actions et les bonnes intentions qu'ils ont eues quant au fait d'accomplir le bien. Et le fait qu'il, subhanahu wa ta'ala, multiplie ses récompenses au-delà de ce que les serviteurs peuvent s'imaginer et au-delà de ce qu'ils ont accompli. Et le fait qu'il leur accorde, subhanahu wa ta'ala, de plus, de bonnes récompenses pour les mauvaises actions qu'ils ont eu l'intention d'accomplir, mais qu'ils ont délaissées pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, d'après l'essence du verset, « Inna rabbana la ghafurun shakur ». Certes, notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Donc, Al-Shakur, qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus parfaits, et qui a comme sens, parmi le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Shakur, le fait qu'il accepte, subhanahu wa ta'ala, les œuvres des serviteurs, donc al-shakur, qui est le reconnaissant, celui qui est reconnaissant, subhanahu wa ta'ala. Donc parmi le sens de cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres des serviteurs, si minimes soient-elles, et qu'il leur accorde pour cela de bonnes récompenses et d'immenses récompenses, donc plus que ce qu'ils ont accompli. Inna rabbana la ghafurun shakur. Certes, notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Certes, notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Et nous avons dans le hadith aussi une incitation à ce que le serviteur ait constamment une bonne intention et constamment une ferme intention d'accomplir le bien, en espérant par cela obtenir d'immenses récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les actes qu'il n'a pu accomplir. Le noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, nous dit concernant l'intention pour laquelle la personne est récompensée, même si elle n'a pas accompli l'acte qu'elle a eu l'intention de faire. Il nous dit, rahimahullah, le ham, donc le mot qui a été utilisé dans le hadith, man hamma, donc qui est l'envie, l'intention, ici n'est pas seulement une chose qui passe à l'esprit de la personne. Hadith al-nafs. Car le hadith, donc hadith al-nafs, donc les choses qui passent à l'esprit de la personne, ne sont ni inscrites pour la personne, ni contre elle. Mais ce qui est voulu est que la personne ait une ferme intention de faire la chose, mais qu'elle ait été prise de paresse et ne l'a pas accomplie. Allah lui écrit alors une bonne action complète. Donc le sens du hadith est que la personne ait une ferme intention, et non pas seulement le fait qu'elle ait eu une pensée, mais qu'elle ait eu une ferme intention, un azm, quant au fait d'accomplir cet acte, mais qu'elle n'ait pas eu la capacité de l'accomplir. Donc soit par exemple qu'elle n'ait pas eu la capacité, qu'elle s'est trouvée incapable de faire cet acte qu'elle a eu l'intention de faire, pour lequel elle a accompli des causes pour l'accomplir, mais qu'elle n'a pas pu l'accomplir. Ou, comme l'a cité l'auteur, qu'elle était prise de paresse au moment où elle était prête à accomplir cet acte, ou bien qu'elle ait pensé après cela à faire un acte, par exemple, plus méritoire que le premier. Par exemple, comme quelqu'un, par exemple, qui aurait voulu dépenser une aumône particulière, puis voit qu'une aumône peut-être mieux en direction de ses parents ou bien d'un proche, où il aura ici deux mérites, le mérite de l'aumône et le mérite de lier le lien de parenté, par exemple. Donc cette personne aura la récompense de sa première niya et la récompense de la deuxième avec l'acte qu'elle a accompli, qui est un acte qui est meilleur. Donc, celui qui aura cela, qui aura une ferme intention de faire le bien, puis qui aura été empêché par une chose, aura, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, les récompenses de cet acte. Et, tout comme la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce hadith pour la personne qui délaisse une mauvaise action, n'est que pour celui qui délaisse cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le hadith, celui qui aura eu l'intention d'accomplir une mauvaise action, puis l'aura délaissé, Allah lui inscrira auprès de lui une bonne action complète. Donc cela est pour la personne qui le délaisse, qui délaisse cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à celui qui va délaisser un mal, soit car il n'en a pas la capacité, donc si jamais il aurait pu le faire, il l'aurait fait, celui-là n'est pas récompensé, bien au contraire, celui-là méritera un châtiment, aura une mauvaise action pour la mauvaise intention qu'il a eue, pour la mauvaise ferme intention qu'il a eue de faire le mal. Ou quelqu'un qui aura délaissé ce mal par peur des gens ou autre. Donc celui-là n'entre pas dans le hadith et n'aura pas cette récompense. La récompense est pour celui qui délaisse un acte qu'il est capable de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. النودي رحمه الله. D'après le sens du hadith, d'après Abu Hurayrata, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah le Très-Haut a dit: quiconque prend un de mes alliés pour ennemi, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose qui est plus aimée de moi que parce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai pour lui son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il observe, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai certainement. Et s'il me demande protection, je le protégerai certainement. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith, donc, qui est un hadith qudsi. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith impute cette parole directement à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allah a dit. Donc, ce hadith qudsi a plusieurs fawa'id. Parmi ceux-là, le haut rang et le mérite des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, awliya'ullah, et le fait que les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala existent, qui sont toute personne ayant réuni entre la foi, la science et les œuvres pieuses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah n'ont aucune peur et ils ne seront point attristés. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala comme explication de ces alliés: alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui faisaient preuve de piété. Donc al-iman wa taqwa. Et de cela est tirée la célèbre parole du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a dit: man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Celui qui est croyant et pieux est l'allié d'Allah. Donc l'allié d'Allah est celui qui aura réuni entre la foi, la science et la piété, donc le fait d'œuvrer avec sa science, quel que soit son rang social, quel que soit le lieu où il est, donc quel que soit son genre, un homme, une femme, une personne âgée, une personne de jeune âge. Donc ici la balance est que la personne réunit entre la science, donc la foi, et la piété, le fait d'œuvrer avec ce qu'il connaît. Par cela, il sera considéré comme étant un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il n'a pas de signes apparents, comme a pour croyance certaines sectes ou certaines personnes s'affiliant à certaines sectes comme certains soufis, en pensant que l'allié doit avoir automatiquement un habit qui le distingue des autres, doit porter des vêtements qui le distinguent des autres ou autres. Donc tout cela n'entre pas dans ce qui montre que la personne est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la réelle chose qui montre que la personne est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala: alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru, donc qui ont réuni entre la science, car la personne ne peut croire en une chose qu'elle ne connaît pas, donc qui ont eu la science, wa kanu yattaqun, et qui œuvrent avec cette science qu'ils ont eue. Tout comme nous avons du hadith, nous tirons du hadith la gravité de prendre pour ennemi ou de nuire à un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Et nous avons aussi dans le hadith l'obligation pour celui qui souhaite réellement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres de commencer avant tout par ce qu'Allah lui a rendu obligatoire et de délaisser ce qu'Allah lui a rendu interdit. Puis par la suite de s'adonner aux actes surérogatoires et donc de ne pas accomplir les actes et les œuvres par passion ou par suivi des penchants de l'âme, mais que la personne apprenne en premier lieu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire, puis qu'il a cours à mettre cela en pratique, et par la suite, il pourra s'adonner à accomplir ce qui est surérogatoire. Et quant à celui qui s'adonne aux œuvres surérogatoires, tout en négligeant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire, alors il a certainement été trompé par Shaytan, par Satan. C'est pour cela que certains gens de science ont dit Man shaghalahu al-fard 'an al-mustahab fa huwa ma'dhur wa man shaghalahu al-mustahab 'an al-wajib 'an al-fard fa huwa maghrur ou comme ils ont dit. C'est-à-dire celui qui a été préoccupé par ce qui est obligatoire au point de ne pas pouvoir accomplir ce qui est préférable, ce qui n'est pas obligatoire, est excusé. Et à l'inverse, celui qui se préoccupe, qui s'occupe de ce qui est préférable, au point de ne pouvoir accomplir ce qui est obligatoire, a été trompé. Car la personne met en priorité ce qu'Allah le rend obligatoire. À titre d'exemple, quelqu'un, matalan, qui s'adonne à prier toute la nuit, puis dormir à l'heure du fajr. Hadha maghrurun, celui-là a été trompé par Shaitan. Car s'il aurait vraiment voulu s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science et avec fiqh, il sait que ce qu'Allah a rendu obligatoire est plus aimé auprès de lui que ce qu'il a rendu surrogatoire. Donc, cela aussi pousse la personne, pousse le musulman à donner une grande importance à l'apprentissage de la science. Donc, ce par quoi il pourra distinguer entre ce qui est obligatoire et ce qui ne lui est pas obligatoire, et savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire en priorité, puis par la suite s'adonner aux actes surrogatoires. Tout comme nous avons dans le hadith une incitation à accourir, à se concurrencer, après avoir fait ce qui est obligatoire, dans les œuvres surrogatoires, comme al-dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, al-salat, al-nawafil, les prières surrogatoires, al-sadaqat, les aumônes surrogatoires, et autres œuvres surrogatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Cela dans le but d'obtenir l'immense mérite cité dans le hadith, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc après avoir fait ce qui est obligatoire. Et donc, pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que la personne puisse devenir, faire partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose par laquelle se concrétise bi'idhnillah et tout bien dans ce bas monde et dans le-delà. Et par cela, comme cité dans le hadith, la personne ne verra parler d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah aime et agrée. Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Je serai sa vue par laquelle il observe, par laquelle il voit. Et il n'entendra que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je serai son ouïe par laquelle il entend. Et avant cela, je serai sa vue par laquelle il voit. Et il n'ira que aux endroits qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntu rijlahu allati yamshi biha. Je serai son pied avec lequel il marche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à ne se diriger que vers les endroits qu'Allah aime, à n'entendre que ce qu'Allah aime, à ne voir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, à ne toucher, à ne faire avec ses mains que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Puis il nous dit dans le hadith subhanahu wa ta'ala wa la in sa'alani la utiyanna. Et donc s'il me demande, je lui donnerai certainement. Donc il verra ses invocations exaucées bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il demandera secours à Allah ou bien protection à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah le protégera. Donc par cela, il aura tout bien dans ce bas monde et dans le-delà. Hada wa Allahu a'lam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous compter parmi ses serviteurs qu'il aime et qu'il agrée subhanahu wa ta'ala. Ô Allah, nous te demandons ton amour ainsi que l'amour de ce que tu aimes et l'amour de toutes choses qui rapprochent de ton amour. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ahdina li ahsan al-akhlaq wa al-a'mal fa innahu la yahdi li ahsanha illa ant wa qina sayyi al-akhlaq wa al-a'mal fa innahu la yaqi sayyiha illa ant wa subhanaka Allahumma wa bihamdik وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.